petit jocose, ouais. Allez, sors ma dose. T'as l'air ton arrêt. Et pire si jamais on appelle Dionysos. Amigos, désormais. Yeah, come on. Si on buvait, si on picolait, si on buvait un apéro, ouais, tout est relatif, n'est-ce pas cher gars, ouais. La leçon du jour est rien du moins que l'excès progressif, mais en vrai, les mélanges, c'est ce que je fais. Dionysos par et kiff. Ouais, là, ta santé, Marie. Par la télévision, on serait sans doute moins con, mais peut-être qu'on viendrait, ouais. Au fond d'un vieux troquet, les rois du demi-picon. Au lieu de ça, on m'attrape, question pour un champion, alright. J'trouve ça plutôt chouette, pas vous? Ah bon? Et pas sur la carotte.